Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Gonzague Saint-Brice publie ces jours-ci sa 20e biographie. Elle est consacrée au marquis de Sade, qualifié par l'auteur d'homme de l'ombre. De quoi passionner Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Nous avions consacré, rappelez-vous, l'année dernière, nous étions avec Michel Onfray et on avait consacré une émission assez dure à Sade. Eh bien, j'ai envie de dire, après le réquisitoire, la plaidoirie, la parole aujourd'hui est à la défense et en l'occurrence à Maître Gonzague Saint-Brice. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Morgane sur l'origine des noms des mois de notre calendrier. Oui, il a commencé par décembre, qui a commencé hier. Décembre, c'est le 10e mois. Pourquoi ? Bien, nous éluciderons ce petit mystère tout à l'heure. Pour le moment, nous allons retrouver un Sade inattendu, celui des années de vieillesse. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Monsieur Georges Poisson est un merveilleux historien de Paris et des monuments disparus, doublé du reste d'un grand connaisseur du duc de Saint-Simon. Il y a une vingtaine d'années, il avait consacré, c'était dans Historia, une étude originale et neuve à la vieillesse du marquis de Sade en l'hospice de Charenton. Alors c'était le Charenton de l'époque, qui est aujourd'hui sur la commune de Saint-Maurice. Il y avait là un asile dont les bâtiments, pour partie en tout cas, restent debout aujourd'hui. C'est aujourd'hui l'hôpital Esquirol. Cet asile avait été bâti au premier tiers du XVIIe siècle par les frères de la Charité et dès 1660, c'était devenu un établissement spécialisé dans le traitement des malades d'esprit, comme on disait. En fait, c'était les familles qui plaçaient là les gens dont on ne savait plus quoi faire parce qu'ils étaient dérangés. Et c'était les familles qui finançaient la présence dans cet établissement, bien sûr, des malades. Disons que très vite, c'était devenu quand même un établissement, sinon pénitentiaire, disons fermé. Le pouvoir royal plaçait là un certain nombre d'exclus de la société, de mauvais sujets, si vous voulez, qu'on appelait à l'époque des polissons, des jeunes gens coupables de fautes graves dont la punition peut entraîner le déshonneur, ainsi parlait Furetière. En fait, c'était, vous savez, il suffisait d'un ordre du roi. On était à l'époque des lettres de cachet et ça faisait ce qu'on appelait un internement administratif. Eh bien, c'est exactement ce que va subir le marquis de Sade. Alors, évidemment, tout à l'heure, en compagnie de Gonzague Saint-Brice, nous allons revivre toute l'existence de ce marquis de Sade. Nous allons évoquer sa jeunesse, sa maturité, ses frasques diverses, moins évidentes, nous dit Gonzague, que ce qu'on a longtemps bien voulu dire. C'est amusant de voir comme le personnage aujourd'hui encore peut susciter le débat du reste. Mais là, nous avons affaire à un vieux monsieur, bien entendu, puisqu'il est interné, en l'occurrence, au mois de juillet 1789. Ça s'invente pas. Il faut vous dire qu'avant cela, notre Donatien Alphonse de Sade avait été emprisonné, il avait été toujours par lettre de cachet, il avait été enfermé au donjon de Vincennes et puis au moment de la désaffection de la prison de Vincennes en 1784, on l'avait transféré à la Bastille. Ce qu'il fait qu'il se trouve à la Bastille jusqu'au 4 juillet 1789, à quelques jours évidemment de la célèbre prise de la Bastille. Il se trouve que le 2 juillet, il a cherché, en se rapprochant de la fenêtre d'une cellule voisine, il a ameuté le voisinage, il a crié qu'on assassinait les prisonniers de la Bastille. Et le gouverneur de Launay, qui n'avait du reste plus que quelques jours à vivre, a obtenu son transfert à Charenton. À 10 jours près, les émeutiers qui ont libéré la Bastille et les quelques malheureux prisonniers qui restaient là auraient pu trouver le marquis de Sade dans sa cellule. Alors, en l'occurrence, c'est donc pas ce qui s'est passé. Le voilà transféré à Charenton. Le patron des lieux proteste. Il est pas content. Il n'est pas content du tout. Il proteste avec un peu de retard, vous me direz, au mois de mars 1790. Or, il se trouve qu'à ce moment-là, en mars 1790, c'est l'abolition des lettres de cachet. Et évidemment, Sade est libéré. Il est donc libéré le 2 avril. On peut dire que la fin de son enfermement, et on en reparlera tout à l'heure avec de Gonzague aura été assez mouvementée. Alors, sa femme a refusé de le recevoir. Elle avait obtenu la séparation à ce moment-là. On verra pour quelle raison. Elle a été bien, bien patiente, hein, la marquise de Sade. C'est le moins qu'on puisse dire. Il va mener, une fois libre, une vie tout à fait agitée, très engagée politiquement. Il est secrétaire de la section des Piques. Il va publier Justine. Et puis, il n'en reste pas moins marquis, tout Sade qu'il est. Et donc, il finit par être arrêté. Vous savez, c'est la terreur. Il est même condamné à mort. Et c'est le 9 Thermidor qui va le libérer. Il a par ailleurs publié, alors après il publie Juliette, il connaît la misère, il est de nouveau arrêté en l'an 10, c'est-à-dire en 1802, peut-être pour un pamphlet d'ailleurs contre l'impératrice Joséphine, enfin qui n'est pas encore impératrice à l'époque, contre Joséphine Bonaparte. Le voilà incarcéré à Sainte-Pélagie, et puis 2 ans plus tard, il a cherché, semble-t-il, à séduire de jeunes détenus, alors il est envoyé à Bicêtre, et de là, transféré, on a envie de dire, mais retour à la case départ, le voilà transféré de nouveau à Charenton. Il semblerait que Monsieur de Sade se plaise dans les lieux. En fait, c'est pas qu'il s'y plaît, c'est qu'il va finir par s'y faire. Il va se faire une vie à sa mesure dans cet hospice de Charenton. Quelle était cette vie? De quoi était-elle occupée? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Sur Europe 1, un extrait de Variation sur l'air, Lison dormait en ut majeur. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir tout au long de l'émission par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, dans un instant, à la vie du marquis de Sade sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie du marquis de Sade. Alors ce marquis de Sade, qui donc depuis 1803 est de retour à l'asile de Charenton, alors qu'il n'est pas fou, bien entendu, et personne n'en doute du reste, hein, on est dans une mesure arbitraire, il faut bien dire, c'est-à-dire que on est à 2 doigts du rétablissement de l'Empire, mais déjà, on a rétabli les lettres de cachet. Il faut croire que le nouveau régime s'inspire singulièrement de l'ancien. D'ailleurs, le préfet de police écrit « J'estime qu'il y a lieu de laisser Sade à Charenton où sa famille paie sa pension et où, pour son honneur, elle désire qu'il reste. » Il y a bien cette même notion de la mise à l'abri de l'honneur des familles qui justifiait les anciennes lettres de cachet de l'ancien régime. Alors, Sade a obtenu que Marie-Constance Quesnay, qui est donc une ancienne comédienne, hein, sa maîtresse depuis 13 ans, puisse se fixer auprès de lui. Et je vous disais, il a fini par se faire sa vie un petit peu à l'écart du bâtiment principal. On est dans une aile latérale qui est parallèle à la Marne. Hein. On est sur les bords de la Marne. Il a là un petit logement qui est composé d'une antichambre avec débarras, nous dit Georges Poisson, d'une pièce principale et d'une petite bibliothèque, toutes deux donnant sur la vallée. Et ça permet à Sade d'écrire, évidemment. C'est ce qu'il fait, c'est une grande partie de sa vie, évidemment, et aussi de donner des dîners, ce qu'on appellerait nous des déjeuners. Hein. Rappelez-vous notre retour aux origines il y a quelques jours. Bref, des repas de la mi-journée. Les dîners lui sont facturés 40 francs par tête. Et sa pension a été fixée à 1000 écus. Elle est payée par la famille. Donc, c'est beaucoup d'argent. C'est une pension très élevée. Alors, quand on dit, donc, il y a presque une dimension amende dans cette pension de Charenton. Et la famille, d'ailleurs, va la payer de façon assez irrégulière, disons-le. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que dans un premier temps, Sade s'entend très mal avec Coulmier, qui est le patron de Charenton. Et d'ailleurs, il va porter plainte carrément devant un magistrat à Charenton. La plainte en question date de 1804. Je déclare qu'ayant été arrêté le 15 Ventôse en 9, donc relativement à un ouvrage qui déplaisait au gouvernement, en l'occurrence l'ouvrage en question c'est Juliette, et dont il me croyait l'auteur, je fus mis au dépôt de Pélagie où je passais 2 ans, à échéance de ce terme, ma santé s'affaiblissant, je demandais à être transféré dans une maison de santé. Je connaissais celle de Charenton, le nommé Coulmier, homme fort brusque et fort violent, entra un matin comme un furieux chez moi en disant qu'il fallait que je lui signasse un accord pour l'assurance de cette pension. Je lui dis que je consentais à signer ce qu'il exigeait, mais que je le priais de trouver bon que je spécifiasse les clauses auxquelles il s'engageait en vertu de l'écrit, par lequel il voulait que je lui assurasse 1000 écus par an. Coulmier, furieux, envoya son menuisier percer au milieu de ma chambre déjà fort petite une porte de chêne énorme, garnie de verrous comme celle de la Bastille. Coulmier me fit dire que je ne sortirais plus de ma chambre que 2 heures par jour pour prendre l'air, et suivi par les mêmes gardiens qui accompagnent les fous, je conclus donc à ce que Coulmier soit traduit devant le tribunal criminel pour y rendre compte de sa conduite meurtrière envers moi. On imagine, ça devait être assez folklorique, les rapports entre le marquis de Sade et son geôlier, si tant est qu'on puisse ainsi appeler ce Coulmier, avec lequel peu à peu les relations vont du reste s'améliorer jusqu'à tendre vers une certaine complicité. Et cette complicité même ira relativement loin, puisque Coulmier va confier au marquis de Sade, qui est devenu le vieux marquis de Sade, hein, il fait plus grand mal à personne, si je puis dire, il va lui confier la direction du théâtre de Charenton, c'était du théâtre de l'asile. C'est assez extraordinaire. Inutile de vous dire que ça suscite une véritable indignation chez tous ceux qui sont au courant. Voilà ce que nous raconte un ancien officier de cavalerie qui s'appelle Colin et qui est donc un témoin à cette époque. Et c'est encore Georges Poisson qui le cite. La première chose qui s'offre à mes regards est sa liaison intime avec un monstre voué à l'exécration publique et que le gouvernement a cru devoir condamner à une détention perpétuelle pour en délivrer la société. On sent bien que je veux parler ici de l'auteur de l'infâme Justine. Il y a des gens qui sont plus ou moins hypocrites aussi, hein, dans leur jugement, il faut pas l'oublier. Car il n'est que lui à qui semblable qualification puisse convenir. Quelle confiance peut inspirer un directeur à prendre un tel panégyriste qui fait jouer publiquement sur son théâtre une pièce faite par lui et à sa louange, qui lui a permis de jouer un rôle dans une autre pièce, et quel rôle encore, celui du méchant, qu'il rend avec toute la vérité du crime qu'il porte dans son cœur. J'ai vu un public frémir d'horreur à ce spectacle. Je ne sais pas si le public de l'époque frémissait d'horreur, mais nous on a très envie d'y être à cette représentation où le méchant est incarné par Monsieur de Sade en personne, qui au demeurant devait quand même bien s'amuser à jouer ainsi la comédie. Et je vous dis, alors le soir il jouait la comédie, puis de la journée, eh bien il la passait essentiellement à écrire. Il a d'abord fait le catalogue de ses ouvrages, ça c'est important pour la bibliographie, et puis il se lance dans un grand roman qui s'appelle Les Journées de Flore Belle, un très grand roman, hein, puisqu'il va noircir 108 cahiers. Il achève cet écrit le 25 avril 1807. Que deviendront les journées de Flore Belle? Bien, elles seront brûlées, malheureusement. Je vous raconterai ça tout à l'heure. Alors arrive à l'hospice de Charenton, à peu près sur ses entrefaites, un nouveau médecin-chef qui s'appelle Royer Collard, qui va chercher, lui, à se débarrasser carrément de ce pensionnaire. Alors, l'idée de Royer Collard, il faut essayer de se mettre un minimum à sa place, c'est qu'il a déjà fort à faire avec les personnes qui sont réellement dérangées mentales, et que selon lui, ce brave marquis de Sade n'a rien à faire ici parmi les fous, qu'il mobilise du personnel, qu'il mobilise de l'espace, que pendant qu'il est là et qu'il organise d'ailleurs ses soirées théâtrales, eh bien on ne peut pas travailler concrètement et de façon utile à soigner les autres malades. Et donc s'évertue à crier Royer Collard, il faut me débarrasser de ce monsieur, il n'a rien à faire ici, mettez-le dans un endroit plus approprié. Voilà d'ailleurs la lettre qu'il adresse au ministre de la police de Napoléon. J'espère que votre excellence trouvera les motifs assez puissant pour ordonner qu'il soit assigné à Monsieur de Sade un autre lieu de réclusion que l'hospice de Charenton. Je ne demande point qu'on le renvoie à Bicêtre, mais je ne puis m'empêcher de représenter à votre excellence qu'une maison de sûreté ou un château fort lui conviendrait beaucoup mieux qu'un établissement consacré au traitement des malades, qui exige la surveillance la plus assidue et les précautions morales les plus délicates. J'ai l'honneur, etc., etc. En fait, le ministre va se pencher un instant sur le cas du marquis de Sade. Et alors, c'est terrible cette lettre, parce que non seulement on va maintenir Sade à Charenton, puisque finalement il y mourra même quelques années plus tard, mais en plus, et ça il ne faut jamais trop attirer l'attention de l'administration dans ce genre de circonstances, on lui interdit de faire des représentations théâtrales, et donc ce qui était devenu sa principale distraction, même ça lui est retiré. Au cœur de l'histoire, cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous parlez du marquis de Sade. Alors que fait le vieux marquis de Sade, maintenant qu'il n'a même plus le droit de jouer la comédie, eh bien, et de jouer les méchants, ça devait être quelque chose. Eh bien, il continue d'écrire, évidemment, il va écrire en tout cas. Si d'ailleurs, il publie un roman qui s'appelle La Marquise de Ganges, et il sera publié en 1813. Et puis, il écrit, au passage, il y a une visite de l'archevêque de Paris à Charenton en 1812, c'est lui qui écrit les couplets d'accueil et de compliments, ça ne manque pas de sel quand même quand on y songe. Et puis, il va se lancer dans des romans historiques, ça c'est assez intéressant, c'est assez inattendu pour être souligné. Après tout, la prose du marquis de Sade ne se consacre pas uniquement aux ouvrages que vous savez, il s'est aussi intéressé à des romans psychologiques, ça on en parlera tout à l'heure avec Gonzague, il s'est intéressé à des romans historiques, alors notamment il écrit Adélaïde de Brunswick, il va falloir du temps avant que ce soit publié, puisque la première publication d'Adélaïde de Brunswick, et à ma connaissance la seule d'ailleurs, c'est 1964. Donc c'est vraiment très tardif. Et puis, également, il écrit un ouvrage, alors là, cette fois, carrément plus ambitieux sur un plan historique, sur qu'il appelle Histoire secrète d'Isabelle de Bavière, reine de France. La Isabelle de Bavière en question, et là, on retrouve quand même bien les obsessions du marquis de Sade, c'est notre célèbre Isabeau, vous savez, qui était l'épouse du roi fou Charles VI, et dont on dit qu'elle menait une vie de débauche en l'hôtel royal de Saint-Paul. Eh bien, il écrit son Isabelle qui, à son tour, ne sera publiée qu'en 1953. Il faut longtemps. Il faut, vous voyez, près d'un siècle et demi à chaque fois pour publier ses ouvrages de Sade. Alors, vous avez bien compris, 1813, on est juste à la chute de l'Empire. Début 1814, cette fois, c'est la chute de l'Empire. Alors, ça ne va pas changer grand-chose à la situation de Sade lui-même. Inutile de vous dire que la restauration des Bourbons, pour lui, n'est pas une bonne nouvelle. Mais ça a un gros impact sur sa vie, puisque à la suite de l'arrivée de Louis XVIII, Monsieur Coulmier, le patron de Charenton, lui, est mis d'office à la retraite. Il avait été bien trop révolutionnaire, cet homme-là. Alors, pour Sade, c'est encore une raison de plus de se retirer du monde, si je puis dire, de se renfermer sur lui-même. Alors, il se trouve que, et ça c'est une chance, pour savoir à quoi les derniers jours de Sade ont bien pu ressembler, nous disposons d'un témoin oculaire, puisque le 11 novembre 1814 est arrivé à l'hospice de Charenton un étudiant en médecine de 19 ans, qui s'appelait Ramon, Louis-Jean Ramon, qui était est donc élève interne de la maison royale de Charenton. Et beaucoup plus tard, plus d'un demi-siècle après, Monsieur Ramon racontera, il dira « je rencontrais fréquemment ». Se promenant seul d'un pas lourd et traînant, mais d'une manière fort négligée, le fameux marquis de Sade, donc. Alors il apprend, évidemment, qui sait, rien ne pouvait me faire soupçonner en lui l'auteur de Justine et de Juliette, dira M. Ramon. Il ne produisait en moi d'autre effet que celui d'un vieux gentilhomme altier et morose. Et il dit que rien dans ses dehors, dans son apparence, ne pouvait justifier la réputation que lui avaient attiré ses écrits et les faits dont on l'accusait. Toute la question est là, entre parenthèses. Il y a les écrits d'un côté, il y a les faits de l'autre. C'est ce à quoi nous allons venir dans un instant maintenant. Alors, dans la deuxième quinzaine de ce même mois de novembre 1814, la santé de Sade s'aggrave, mais alors considérablement. On le transporte dans un logement de deux pièces un petit peu moins exigu de Charenton. Il est laissé là à la garde d'un domestique. Et le samedi 2 décembre 1814, dans l'après-midi, il reçoit, nous dit Georges Poisson, la visite de son fils Donatien Claude, qui va prier le fameux Ramon d'aller passer la nuit avec lui. Et c'est comme ça que Ramon, en allant passer la nuit avec Sade, enfin dans la même chambre, hein, je précise évidemment pour veiller le mourant, voit sortir un abbé, voit sortir un prêtre qui a l'air plutôt content de lui. Alors, est-ce que le marquis de Sade s'est finalement confessé ? Vers 22h, Ramon, n'entendant plus aucun bruit et surpris de ce calme, nous dit-il, s'approche. Et là, il constate que le vieillard est mort et l'on a son acte de décès à la mairie de Charenton qui annonce la mort d'un certain comte, on s'était trompé de titre, de Sade en un seul mot d'ailleurs, commençant par un D majuscule. Alors, D'après son testament, il laissait à la dame Quesnay, dont je vous parlais tout à l'heure, la somme de 24 000 livres et ses livres et ses manuscrits. Alors sa fille et son fils ayant renoncé à la succession, on pense que la légataire a bien touché son héritage et que par ailleurs les manuscrits ont été malheureusement pour une partie d'entre eux, et c'était le cas notamment de ces journées de Florbelle dont je vous parlais, vont être brûlés. Quant au corps de Sade, eh bien par la suite, il a carrément disparu. Si le corps de Sade a donc disparu, écrit Gonzague Saint-Brice, de la surface de la terre, comme Sade l'avait souhaité, il en alla tout autrement de son nom qui, lui, n'allait jamais disparaître de la mémoire des hommes. À défaut de son fils aîné mort célibataire, il allait d'une part continuer d'être porté, d'abord par son fils cadet, donc Gonzague nous explique ce qu'est devenu ce fils cadet, et ce que sont surtout ses héritiers, des héritiers qu'il a eu l'occasion de rencontrer et avec lesquels il a même pu travailler. Bonjour Gonzague Saint-Brice. Bonjour. Votre ouvrage fait état de cette famille actuelle que vous avez, avec laquelle vous avez pu travailler sur le personnage ? Tout à fait. C'est une famille à laquelle ma famille est très liée depuis 3 générations, depuis Jeanne de Sade, qui était amie de mes grands-parents. Et moi, j'ai passé beaucoup de jeunesse avec un personnage formidable, qui est un aventurier de la modernité, un champion de l'aérostation, Hugues de Sade. Il m'emmenait souvent dans les cieux du Val-de-Loire, à bord de sa montgolfière, et un jour, il m'a confié cette émotion qu'il avait eue quand il avait trouvé la bibliothèque murée qui comportait tous les papiers de Sade au château de Condé-en-Brie. Ces papiers, vous avez pu les utiliser et ils sont la base même de votre biographie. Ça s'appelle tout simplement « Le marquis de Sade, l'ange de l'ombre ». Mozart sur Europe 1, un extrait de l'enlèvement au sérail. Vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, du marquis de Sade avec votre invité, Gonzague Saint-Brice, écrivain, journaliste, historien, auteur du marquis de Sade, l'ange de l'ombre aux éditions Télémaque. Alors ça tombe bien que nous ayons Gonzague sous la main, si je puis dire, puisque Julien nous pose une question nobiliaire qui dit « Pouvez-vous donner quelques précisions concernant le port des titres ? Il semble que le père de Sade fut comte. Pourquoi le marquis ne s'en est-il pas enorgueilli ?» Alors je rappelle juste moi que le marquis est au-dessus du comte dans oui, le... D'habitude, c'est oui. duc, prince, duc, marquis, comte, vicomte. Et bien là, dans la famille de Sade, effectivement, le chef de famille est comte. C'est assez extraordinaire. Et donc, c'est le cadet qui est marquis. Bon, et bien voilà, c'est une particularité. Voilà la réponse pour Julien. Vous avez écrit, Gonzague, un livre qui, comme d'habitude, est constellé de précisions. Vous avez fait la lumière sur un certain nombre de questions concernant Sade, et vous avez pour cela utilisé des sources que d'autres ne sont pas allés chercher. C'est-à-dire que j'ai eu l'immense privilège de connaître la comtesse de Sade, qui est la mère des héritiers, et qui est la femme de Xavier de Sade, qui est décédé, qui était un homme qui avait déjà, en 1948, rendu public qui était son ancêtre. Parce que cette comtesse de Sade m'a donné tout ce qui était encore inédit comme lettres et documents du marquis de Sade. Et elle a pu aussi lire mon livre. Et après le dernier mois de sa vie, car elle est décédée il y a 3 semaines, le dernier mois de sa vie où elle est retournée avec son fils aîné Elzéar et les 2 autres garçons s'appellent Hugues et Thibault, et il y a 2 filles aussi. Et elle a pu retourner en Provence, parce que c'est une famille de Provence, et elle a lu mon livre avant qu'il ne paraisse, et elle m'a dit sa satisfaction. Et elle est décédée et elle a été enterrée le jour où le livre a été publié. Sous de bons auspices, en quelque sorte. Alors, j'ai raconté la fin de la vie de Sade parce que ce qui m'a le plus marqué dans votre livre, c'est toute l'importance que vous accordez à cette longue période de la fin, où il continue à écrire, du reste, et même à jouer au théâtre, comme nous venons de le voir. C'est tout à fait extraordinaire parce que, effectivement, au début, je suis parti sur une île déserte pour lire la totalité des œuvres de Sade. Et j'étais vraiment accablé. Je me suis dit, pourquoi toi, tu, qui es un gentleman chrétien, tu écris sur cette personne? J'étais dans une île déserte et même le regard compatissant des iguanes montrait combien j'étais malheureux. Et puis, en fait, en avançant, je suis passé dans sa vie, en regardant sa vraie vie comme un biographe traditionnel, comment il est à 15 ans, comment il a 20 ans, comment il a 25 ans, je suis passé de la répulsion à la compassion. Et ce qui m'a intéressé, c'était ni de faire le portrait d'un monstre de violence, ce qu'il n'est pas, parce qu'il dit « Oui, j'ai pensé à tout, mais je n'ai rien réalisé. Je suis un libertin, d'accord, mais je ne suis ni un meurtrier, ni un assassin. Je n'ai pas voulu non plus le transformer en enfant de cœur, ce qu'il n'est pas, ni même en faire une icône de la littérature qui, sous prétexte de génie, pourrait tout se permettre. Mais je crois que c'est l'intérêt de ma démarche, c'est de ne rien cacher, ni du mauvais, ni du bon, et surtout pas de l'humain dans Sade. » Oui, et vous nous montrez un personnage assez ouvert, assez humain, justement, notamment sur la fin, avec il se soucie du sort des reclus. Il faut dire qu'il a de bonnes raisons pour ça, puisqu'il a passé une partie non négligeable de sa vie en prison, ce que vous mettez très en avant, vous, bien il entendu. Il a passé 27 ans de sa ça, vie c'est en ça. Prison. J'ai montré aussi que ce qu'il avait fait de bien, par exemple, quand il est secrétaire au PIC, comme vous l'avez dit, dans les hôpitaux de Paris, il y a trois malades par lit. Après, lui, il n'y en aura plus qu'un. Il s'est consacré, comme vous l'avez dit, à Charenton, à la guérison des fous par le théâtre. Et ce qui m'a le plus bouleversé, et vous en avez parlé déjà, c'est qu'à la fin de sa vie, d'une façon très surprenante, il s'épanouit dans une relation très pure et platonique avec cette femme qu'il appelle sensible. Et platonique, il faut bien le préciser. Il a 51 ans quand il sort de prison et il rencontre sensible qui va d'abord lui faire échapper à l'échafaud où il devait passer avec Coderlo de Laclos et il vit avec elle quelque chose de platonique qu'il revendique. Et quand on lui dit « Mais alors vous couchez pas avec elle ?» Il dit « Non ». Et savez-vous, dit-il, je suis 4 fois plus heureux. Il ne dit pas 2 fois plus heureux, il dit 4 fois plus heureux. Du fait de n'avoir qu'une relation purement platonique. Alors, ça c'est pour le vieux monsieur que nous avons vu depuis le début de cette émission. Mais maintenant, si vous le voulez, Gonzague, on va se consacrer à toute la vie de Sade et au jeune homme. Et là, si je puis dire, ça va forcément se corser. Or, on ne peut pas ignorer qu'il y a quelques mois, j'avais invité Michel Onfray à ce même micro pour parler de ce même Sade, que son point de vue à lui était extrêmement dur. Je vous propose de réécouter un extrait de cette émission avec Michel Onfray. Ce que vous nous dites, Michel Onfray, et je sens que nous allons encore faire frémir le standard, c'est qu'il y a chez Monsieur de Sade, chez le marquis, le divin marquis, comme on l'a surnommé, il y a tout du délinquant sexuel, en vérité. Absolument, c'est ce que je défends contre toute la légende. La légende nous dit, c'est parce que justement il a été un gentil garçon à la maison et qu'il était emprisonné et qu'il était donc dispensé de sexualité, qu'il a sublimé sa sexualité en écrivant des romans qui n'avaient rien à voir avec sa pratique. C'est la vieille histoire de Freud, la sublimation, c'est-à-dire ce que je fais dans mes livres, sur le papier, c'est parce que... C'est tout ce que je m'interdis dans la vie. Voilà. Et donc, plus c'était excessif sur le papier, plus ça montrait la sainteté de l'homme dans la réalité. J'ai dit, mais comment des gens ont-ils pu dire ce genre de choses alors que des biographes ont clairement raconté ce qu'étaient les faits qu'on pouvait reprocher à Sade. Et il y en a de nombreux. Il y en a de nombreux. Il y a eu plusieurs affaires qui ont donné lieu à des procès. Sade a été accusé de violences diverses. Il y a notamment la célèbre affaire de Marseille qui a d'ailleurs beaucoup contribué à sa mauvaise réputation. Avant même ses écrits, là, on parle bien non pas de livres et d'écrits, mais on parle de faits, Gonzague Saint-Brice. Alors, oui. La parole à la défense, je disais oui, tout à l'heure. Franck Ferrand, ce qu'il faut... Je suis sensible à ce que dit Michel Onfray, mais il se trompe. Pourquoi ? Il y a en effet 4 ou 5 faits divers de la jeunesse du marquis. C'est d'autant plus insolent qu'il vient de se marier. Alors il y a l'affaire d'Arcueil, il y a l'affaire de Marseille, où il réunit des prostituées, il leur donne des bonbons à la cantharide. C'est-à-dire à la mouche... Supposé être le Viagra de l'époque. Voilà. Et alors les pauvres filles vomissent, pensent qu'elles ont été empoisonnées. porte plainte contre le marquis, et finalement, le lendemain, elles sont fraîches et elles retirent leur plainte. Donc, si vous voulez, non, Sade n'a jamais prétendu ne pas être un libertin, et pardonnez-moi, mais à l'époque, c'était pas le pire de tous. Oui, vous avez cité tout à l'heure Coderlo de Laclos, c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'on est dans une période de grande licence sur le plan des mœurs, hein, bien entendu. On fait toutes sortes d'expériences sexuelles, et ça fait partie même de l'art à l'époque, hein. Il y a ce contexte, ça c'est incontestable. Mais dans le cas de Sade, vous venez de parler de l'affaire de Marseille, il y en a eu d'autres, il y a eu des plaintes portées pour violence, etc. Oui, bien alors... sûr, il emmenait les filles dans ce qu'on appelait à l'époque les petites maisons et tout ça. Mais en vérité, ce qui va se passer, c'est que quand il se marie, sa belle-mère est folle amoureuse de lui, puis va faire une haine d'amour contre lui, et c'est elle qui va le dénoncer à la police. Et en fait, si vous regardez les choses avec précision, Sade n'a jamais été véritablement jugé. Et ce que je trouve scandaleux, c'est que, à partir de ces faits divers où il a tort, il se trouve emprisonné, mais il n'est jamais jugé. Et après, c'est sa mauvaise réputation et ses livres qui vont faire qu'il est continuellement remis en prison par divers régimes, que ça soit la monarchie, la révolution, l'empire, le directoire et l'empire. Oui. Et deux personnages à signaler qui ont tout fait pour le maintenir en prison, c'est d'abord un puceau impuissant qui s'appelle Maximilien de Robespierre, mais qui ne peut pas aimer un marquis de Sade, et ensuite un homme qui est fort sur tous les plans, sauf sur le plan sentimental où il a peur de la femme qu'il aime et de sa non-vertu, qui est Napoléon Bonaparte, qui, comme vous l'avez dit, est persuadé que le pamphlet où on détruit la réputation de Joséphine de Beauharnais qu'il vient d'épouser ou qu'il va épouser est écrit par le marquis de Sade, avec des scènes où elle apparaît à demi-nue en train de danser avec Madame Roland. Plus vrai que nature. Et à cause de ça, il est remis encore en prison sans être jamais jugé. Et c'est très intéressant ce que vous avez dit tout à l'heure, parce qu'on est en effet à l'époque de la fin de la lettre de cachet, puisque le marquis de Breteuil, avec Louis XVI, a travaillé contre, et que les fils de Sade vont venir le chercher pour le sortir de prison avec la noblesse de cœur de ses enfants, en disant « Maintenant, les lettres de cachet, c'est fini. Père, vous pouvez sortir. » Oui, les lettres de cachet sont finies, mais pas l'habitude d'emprisonner les empêcheurs de tourner en rond, ça, évidemment. Alors, je regrette une seule chose, Gonzague Saint-Brice, c'est que vous n'ayez pas la belle robe de l'avocat, parce que je vous garantis que les effets de manche seraient somptueux. Nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi du marquis de Sade, avec vous Franck Ferrand et votre invité Gonzague Saint-Brice, écrivain, journaliste, historien, auteur du marquis de Sade, L'Ange de l'Ombre aux éditions Télémaque. Gonzague Saint-Brice, aujourd'hui avocat du marquis de Sade. Alors, la défense vient de parler, je vous propose d'entendre de nouveau un peu le réquisitoire du ministère public dans la bouche de Michel Onfray. On a l'impression que Sade n'applique pas à la société les règles qu'il s'applique à lui-même. Il y a toujours une distinction. Il n'y a rien d'universaliste chez cet homme, finalement. Oui, mais ça, c'est un sport chez les intellectuels qui est assez répandu. C'est-à-dire, on écrit des choses, puis on pratique le contraire, ou on pratique l'inverse. C'est-à-dire que ces intellectuels qui nous disent il y a un texte dans lequel Sade nous dit qu'il est contre la peine de mort, eh bien, ces intellectuels ne mettent pas en perspective les autres textes de Sade, où cet homme qui nous dit qu'il est contre la peine de mort défend la décapitation de Louis XVI, défend la décapitation de Marie-Antoinette, et défend la décapitation de Charlotte Corday. Pour un abolitionniste, vous me direz, ça fait quand même beaucoup. Alors, on a envie de dire, mais comment est-ce que c'est compréhensible, ça? Voilà, trois décapitations qui sont défendues par un homme qui nous dit qu'il est contre les décapitations. On ne comprend ça que quand on met en perspective ce texte, le contexte, et qu'on comprend qu'il est contre la peine de mort quand elle risque de le concerner, lui, personnellement, mais que par ailleurs, il la défend. Alors, Gonzague Saint-Brice, une loi contre la peine de mort à géométrie variable, c'est ce que voulait le marquis de Sade ? Vous vous rendez compte que le marquis de Sade est pour la peine de mort bien avant que Victor Hugo ne le soit. Il est contre, vous voulez dire, oui. Il est contre la peine de mort, c'est magnifique. Et, cher Michel Onfray, on voit que vous n'avez pas vécu sous la Révolution française. Parce que quand on vit à Paris sous la Révolution française et qu'on est un suspect, on a intérêt, quand on vous demande de faire un discours sur Le Pelletier et Charlotte Corday, à être peut-être dans la ligne de l'époque. Mais moi, ce qui m'a plu dans la rencontre de Sade avec la réalité de la Révolution française, c'est que si la violence, c'est vrai, est dans ses fantasmes. La Révolution va l'écœurer, elle va servir à quelque chose, la Révolution, à l'écœurer définitivement par ses crimes. Il est scandalisé de voir la tête de la princesse de Lamballe portée au bout d'une pique, mais plus encore, il est horrifié de voir son neveu, le comte de Clermont-Tonnerre, lui qui a tant fait, c'est un de ces aristocrates des Lumières qui a tant fait pour la Révolution, de le voir ramener à son épouse, à son domicile, à moitié démembré, défiguré. On amène un espèce de cadavre encore vivant à sa femme. Et Sade lui-même a dit des mots définitifs contre la guillotine. Il a vu ce qu'était la guillotine, il y a échappé. On peut dire que cette violence insupportable dans ses textes est de l'ordre du fantasme. Sans jamais faire de psychologie à la petite semaine, ce que fait votre ouvrage, Gonzague, et ça c'est passionnant, c'est de ramener constamment Sade aux expériences qu'il a vécues et de le replacer dans son contexte, à commencer par son enfance et par son milieu familial, parce que il a quand même été gâté par la nature, si je puis dire. Alors, vous avez tout à fait raison, parce qu'il y a dans les années 60, tous les écrivains, tout le monde, Sade, et il a été à la fois sacré comme monstre et vu qu'à travers son œuvre. Donc j'ai voulu voir sa vraie vie. Et vous avez raison, l'éducation de Sade est hallucinante. Il n'a pas de mère. Sa mère, non, elle a disparu, elle n'est pas intéressante. Et il est éduqué par deux hommes. Son père, qui l'adore, Donatien, et que lui adore. Et le père est un séducteur, un diplomate, un libertin, un amant extraordinaire de femmes, mais aussi un homosexuel. Il est bisexuel, le père est totalement bisexuel. Il est d'ailleurs pris aux Tuileries, dénoncé par une mouche, c'est-à-dire un garçon, oui. Payé par la police. Un indicateur, en fait, oui. Et puis, le père va placer son fils, Donatien, chez son oncle, l'oncle de Donatien, au château de Sommane, qui est un ecclésiastique, mais alors totalement débauché, libertin, ami de Voltaire qui lui écrit « Vous baisez aussi bien que Pétrarque et vous rimez aussi bien que lui ». Parce que, alors, donc, c'est une éducation sans femme. Si il y a des femmes et qui sont tout à fait extraordinaires, ce sont les maîtresses du père et de l'oncle, qui voyant ce joli petit garçon, parce que quand vous voyez la tête du marquis de Sade, vous lui donnez bon Dieu. Hein. Si, oui. Il y a un seul portrait de lui jeune, fait par Van Loo, qui est en couverture du livre. Oui, celui-là. Et il a vraiment, vous lui donneriez votre fille à marier sans aucun problème. C'est très gendre idéal, là. Absolument. Oui. Le moins qu'on puisse dire, c'est que sa belle-mère, elle n'était pas idéale. Et j'avais raconté en son temps, on ne va peut-être pas y revenir aujourd'hui, le bras de fer à vie entre le marquis de Sade et sa belle-mère. Cette espèce d'amour-haine entre eux qui est tout à fait extraordinaire et que vous reprenez, bien entendu. Alors, tout à fait à la fin de ça, disons la vérité, c'est que quand il est secrétaire au PIC et que la famille de sa belle-mère dépend de son quartier de Paris, il pourrait la faire tuer. Et son mari aussi. Et là, il a la clémence. Alors qu'en fait, c'est à elle qu'est dû ces 27 ans de détention. Ces incarcérations, bien sûr. Alors, il y a une chose dont il faut qu'on dise un mot, puisque la vie et la psychologie, l'aspect Sainte-Beuve, si je puis dire, c'est très intéressant. Mais il y a l'œuvre quand même. Et moi, les souvenirs que j'ai de lecture de Sade, qu'on le veuille ou non, c'est quand même un peu désespérant. Alors, je ne parle pas des quelques romans, mais je parle évidemment du cœur de l'affaire, hein, du fondement, c'est-à-dire toutes ces espèces de tous ces écrits d'une exagération dans la violence, dans ce qu'on appellera plus tard le sadisme, avec une sorte de on a l'impression que c'est un tourbillon, une sorte de folie outrancière de la violence. Ça, c'est incontestable quand même, Gonzague Saint-Brice. Je crois que ce qui s'est passé, à mon avis, c'est que Sade, pour lui, le truc le plus important, c'est d'être un écrivain. Il publie son propre catalogue de ses œuvres. Vous voyez, c'est très important pour lui. S'il va sur le chemin du bien, il y a trop de monde. Alors il choisit la voie du mal. Et il Est-ce veut... qu'il l'a vraiment choisi? Peut-être. Vous pensez qu'il l'a choisi? Et peut-être. Oui. Et en tout cas, il veut que dans ce domaine de l'empire du sexe, il ait tout dit. Il ait tout raconté. Tout exploré. Il ait tout vraiment, exploré. Ouais. Il faut qu'après lui, ça ne soit plus possible d'en rajouter un peu. Et aussi, disons quand même, la vérité, c'est qu'il va très fort dans les pulsions, dans l'inconscient. Il est aussi un pionnier. Oui, il préfigure un certain nombre d'écoles psychologiques. Il préfigure le psychodrame, il anticipe la psychanalyse. Je rappellerai que la psychanalyse n'a pas commencé par Sigmund Freud, mais par un médecin de la Pompadour. Et aussi... c'est pourquoi, Théophile de Bordeaux. Bravo. C'est pourquoi il sera reconnu aussi par les surréalistes, parce que il va très fort dans l'inconscient, dans le subconscient, dans les rêves, et véritablement, il est en avance sur son temps. Quant à la liberté des femmes, il faut aussi dire qu'il est le premier pionnier de la véritable liberté des femmes. Il estime d'ailleurs que les femmes jouissent beaucoup plus que les hommes, et il ose le dire. Alors il y a ce texte assez étonnant, mais dont on a déjà eu l'occasion de parler ici, « Français, encore un effort pour être républicain ». Il y a aussi et surtout, et ça c'est à la page 105 de votre ouvrage, Gonzague, ces chansons qu'il écrivait et qui sont d'une modernité assez sidérante en vérité. Tout à fait. Alors j'ai trouvé qu'en rimant quelques strophes de son poème « Graveleux », Sade préfigure vraiment les couleurs de la complainte de Verlaine, ou alors anticipe le goût citronné des chansons de Gainsbourg. Et ça, il a écrit ça pour Millie Rousset, qui l'adorait, qui était une jeune fille qui était atteinte de la tuberculose. « je te plais, il n'est plus pour toi de faim, qu'en poudre ». Et ça montre cette espèce de talent pluridisciplinaire de Sade. Il est à la fois historien, essayiste, écrivain, romancier, auteur de théâtre. Et pour ma génération, nous qui sommes nés en 1948, en mai 68, nous avions 20 ans, Hugues de Sade et moi, on monte sur les barricades et qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend? Des slogans. Il est interdit d'interdire, jouir sans entrave, c'est du Sade. Mais moi, j'ai vu sur un mur de Paris un graffiti sadien de tout pays, réunissez-vous pour le divin marquis. Vous n'avez pas mis en pratique l'injonction de la révolution de 68 quand même. Vous n'avez pas obéi à cet ordre. Rassurez-nous. Non, pas du tout. J'ai tous les vices du marquis, sauf l'exhibitionnisme, donc je ne vous dirai rien. Voilà. Alors, il faudrait parler bien sûr des 120 journées de Sodome. On va vraiment très loin là. Il faudrait parler de l'ensemble de l'histoire du manuscrit est fabuleuse. Oui. Ce manuscrit, parce que quand il quitte la Bastille, comme vous l'avez raconté, il laisse dans les fissures du mur de sa cellule ce manuscrit et il est persuadé qu'il ne le reverra jamais. Et il demande à sa femme de se rendre à la Bastille, mais tout est trop agité dans ce 14 juillet. Elle ne peut pas récupérer ce manuscrit qu'aujourd'hui, la Bibliothèque nationale et Gérard, l'héritier du Musée des Lettres et Manuscrits, oui, voudraient faire revenir en France. Mais ce serait une bonne chose. Gonzague Saint-Brice, marquis de Sade, l'ange de l'ombre, c'est donc votre 20e biographie, votre 45e livre, Gonzague Saint-Brice, qui paraît très joliment édité, comme toujours, aux éditions Télémaque. L'objet en lui-même est très séduisant et donne envie d'aller fouiller un peu plus dans cette vie et dans cette œuvre que vous mettez à notre portée, en quelque sorte. Merci beaucoup d'avoir parlé à ce micro du marquis de Sade. Après ce qu'avait dit Michel Onfray, ça n'était pas si évident, bien entendu. Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez, Franck Ferrand, à la question de Morgane sur l'origine des noms des mois de notre calendrier. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez aujourd'hui, Franck Ferrand, à la question de Morgane, qui nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission, et qui aimerait en savoir plus sur l'origine des mois de notre calendrier. Oui, alors j'avais dit à l'occasion de la question l'autre jour sur le 1er janvier, je vous avais raconté qu'évidemment, les mois de septembre, octobre, novembre, décembre avaient été ainsi nommés à l'époque où l'année commençait le 1er mars. C'était comme ça à Rome, on commençait l'année le 1er mars. Et donc, septembre, c'était le 7e mois, octobre le 8e, novembre le 9e, décembre le 10e. Jusque-là, c'est simple. Et puis, en 46 avant notre ère, Jules César va refondre le calendrier. Vous savez qu'il va faire ce calendrier julien qui suit le rythme du soleil. D'ailleurs, il y a un mois, le mois de juillet, qui est le mois de Julius, qui est le mois en l'honneur de César, de Jules César. Et le mois d'août, ce sera évidemment, et il a été ainsi nommé en 8 avant notre ère, et pour cause, c'était le mois c'est Augustus au départ, c'est le mois d'Auguste. Bon, ça en fait quand même déjà 6 dont on a les noms. Alors les autres, me direz-vous, 4 et 2, 6, oui. Les obèses, janvier, c'est le mois du dieu Janus. Très passionnant, le mois de janvier. Je vais pas faire d'astrologie rapide à ce micro, mais c'est, vous savez, les deux faces, les deux visages opposés d'une réalité. Le mois de février, alors le mois de février, c'était, ça venait de Februa, qui en latin signifie la purification. C'était le mois de la purification. À la mi-février, en effet, il y avait les fameuses fêtes des Lupercales, vous savez, qui avaient pour but de se purifier avant le début, justement, de cette nouvelle année. C'était le dernier mois de l'année passée, donc on se purifiait en février, Februa. Avril, le mois d'avril, c'est le printemps. Ce mois doit son nom au latin aprilis, qui veut dire ouvrir. Ben oui, c'est l'ouverture, hein, c'est la renaissance de tout avec le printemps. Et puis, mai, c'est le mois dédié à Maya, qui est une des Pléiades, fille d'Atlas et mère de Mercure. Une autre théorie, à mon avis d'ailleurs plus intéressante, voudrait que ce mois soit dédié aux anciens. Le mois de mai, ça viendrait de Maiores, qui signifie l'homme âgé. C'était en effet le moment où on passait chez les Romains à ce qu'on appelait la toche prétexte. Et puis, il en restait un, le mois de juin, dérivé du latin juniores. Et bien là, c'était l'inverse, hein, c'est le moment où l'on célébrait, et quel meilleur moment de l'année pour le faire, où l'on célébrait la jeunesse.